Mosaïque. Tanganiro, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui justement de la sécurité ou de l'insécurité à travers le pays. Ça se parle en commune Mugamba de la province Bururi. L'insécurité fait parler de lui également en zone Moussaga de la commune Moura. Nous sommes à mairie de Bujumbura et les populations en souffrent. Ça faisait plus de 3 semaines que toutes les boutiques et bistrots, bref, toutes les activités commerciales étaient bloquées à la 2e avenue de la zone Moussaga par la suite d'une personne qui avait été tuée dans cette localité. Des kidnappings sont signalés ici et là à travers tout le pays. Pour parler de ça, nous avons au studio 4 invités. Le premier invité, c'est le porte-parole de la police nationale, Pierre Ngoulikié. Monsieur le porte-parole, bonjour. Bonjour, salue également tous les auditeurs. Bienvenue également dans cette émission. Merci. Le deuxième invité, c'est Jacques Ebigilimana, président du parti FNL. Jacques, bonjour. Bonjour et je salue tout le monde qui nous écoute. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Nous avons également un troisième invité dans cette émission Mosaïque, c'est le professeur Evariste Ngaïmenda. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Oui, nous avons un quatrième invité aussi, c'est l'honorable Fabien Bantiganinon, député indépendant élu à Bobanza. Bonjour. Bonjour madame. Mosaïque. Voilà l'émission Mosaïque. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Justement, pour parler de ça, la première intervention est accordée au porte-parole de la police nationale, Pierre Ngoulikié. Comment évaluez-vous aujourd'hui la situation sécuritaire dans le pays? Oui, merci de m'accorder la parole. Au moment où je vous parle, la situation sécuritaire est globalement bonne sur toute l'étendue du territoire de la République. Et même les localités de Moussaga et Mugamba, dont vous précisiez tout à l'heure, sont maintenant calme et maintenant la population va normalement à ses activités. Ce qui ne veut pas dire que la criminalité ordinaire n'est pas là. On signale que c'est quelques cas d'enlèvement ou de vol qui constituent des crimes de droit commun et qui sont motivés essentiellement par des règlements de compte. L'honorable, comment vous évaluez justement la situation sécuritaire dans tout le pays aujourd'hui? La situation sécuritaire dans notre pays n'est pas du tout bonne parce qu'on signale ici et là des enlèvements, des tueries. On ne peut pas dire que la situation est bonne aussi longtemps que la population n'est pas tranquille. Pour vous dire que des enlèvements sont régulièrement observés, il y a même des cadavres qu'on trouve ici et là. Ces mêmes cadavres sont inhumés immédiatement sans qu'on puisse appeler les leurs pour pouvoir voir finalement qui est mort. Cela, ça signifie que quelque part, il y en a ceux qui tuent et ceux qui enterrent. C'est une suite, pour moi, presque logique. Je prends un cas, par exemple, en commune Mpanda, le 8 juin de ce mois, un certain Sougouavou André a été enlevé par un véhicule à bord des policiers, un véhicule filmé, jusqu'à l'heure où je vous parle. C'est le président du MST. Oui, oui, c'est du MST. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a même pas un chef de secteur, le chef de zone, le gouverneur, le chef de poste, qui parle qu'il y a au moins un écho où se trouve ce monsieur. Ça fait bientôt 3 semaines. C'est vraiment très grave. À côté de cela, on parle d'une liste de 28 personnes qui seront un jour ou l'autre aussi enlevées. Mais on va d'abord enlever 8. Sur 8, un est déjà enlevé. C'est lui que je parle de... Donc sur les 28, il y a 8 prioritaires à enlever. Oui, il y a 8 priorités à enlever immédiatement. On ne sait pas quand. Pour le moment, il n'y est né fait. J'ai dénoncé ça dans une réunion de sécurité du 14 qui s'est tenue en Panda devant le gouverneur, le procureur, le commissaire de police et même d'autres chefs de service. Jusqu'à présent, rien n'est fait. J'ai même signalé qu'il y a un groupe de malfaiteurs qui travaillent comme une police. Signalé cette même réunion, j'ai même demandé une réunion de la population de deux secteurs qui cohabitent le centre de Moussaigne. Le secteur de Moussaigne, où a été enlevé le président du MSD et le centre Gifugwe, où réside cette bande qui fait tout ce qu'ils veulent. Le 3 juin, la police, toute la police de Mpanda, s'est engagée à arrêter ce groupe, mais n'a pas pu mettre hors d'état de nuire cette équipe. Et maintenant, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, pour moi, alors, la sécurité est vraiment relative. Mm-hmm. Ce n'est pas bon. Donc, en Panda, il y a une équipe qui fait la pluie et le bon vent. Oui, oui. Et la police est là. La police est là. Ok, Jacques Bigrimana, comment vous, vous évaluez la situation sécuritaire actuelle? Et la sécurité est relativement bonne, mm-hmm. bien que l'on signale quelques cas isolés qui sont bien sûr sous contrôle des forces de l'ordre. Et parmi ces cas, nous assistons à des enlèvements à mobiles multiples. Il y a par exemple des enlèvements pour des raisons de spéculation politicienne. Il y a des enlèvements qui s'opèrent pour des raisons purement et simplement du banditisme et aussi des règlements de compte. Et du reste, pour le cas de Moussaga, et ce qui se passe à Moussaka, c'est la suite du mouvement de subversif qui a commencé depuis l'annonce du troisième mandat du président de la République, Pierre Nkurunziza. Et je pense que c'est connu de tout le monde que c'est la zone là où la résistance contre le troisième mandat a commencé. Mmh. Alors je pense que c'est un travail de routine pour la police de faire son travail pour que et que la sécurité soit rétablie sur tout le territoire national. Oui, professeur Evariste Ngaï-Menda, comment vous évaluez la situation sécuritaire actuelle dans le pays? Je l'évalue comme vous. Je pense que dans votre présentation, vous avez brossé un tableau qui n'était pas du tout reluisant. Vous avez parlé de la situation à Moussaga, vous avez parlé des kidnappings à gauche à droite. Cela suffit pour montrer que la sécurité n'est pas du tout bonne. Et ça se voit au quotidien. Si vous regardez par exemple le rythme des bus, si vous regardez le rythme d'ouverture des bistrots, la fréquentation. Si vous allez aux statistiques qui sont émises sur le nombre d'exécutions extrajudiciaires, sur les enlèvements, sur les emprisonnements, sans parler des Burundais qui sont réfugiés en dehors du territoire national, je pense que tout ça, ce sont quand même des indicateurs qui montrent très bien que nous sommes dans une situation sécuritaire extrêmement précaire. Hier soir, je traversais un quartier, il n'était même pas 19h encore. J'ai trouvé une barrière, il n'y avait personne. J'ai klaxonné, déjà que ça ne se fait pas parce qu'il commençait à faire nuit. Il n'y avait personne, j'ai klaxonné de nouveau, il n'y avait personne. J'ai klaxonné encore, il n'y avait personne. J'ai été obligé de rebourser le chemin. Tout ça, c'est quand même une situation tout à fait anormale. C'est indicatif d'un pays qui a réellement des problèmes. National, j'aimerais une petite question à Jacques Bigrimana. Vous avez libéré ce mot, vous savez ce qui se fait actuellement quand on a kidnappé Emmanuel. Mais vous avez parlé de ce qui se fait actuellement justement en matière de sécurité. Vous faisiez allusion à quoi? Cela n'a pas le sens que vous voulez entendre de cela. Sinon, ça se trouve dans un paragraphe que j'ai donné. Donc, je n'ai pas dit que tout est blanc. Il y a quelque part une certaine situation là où on signale ici et là des problèmes. Je vous ai dit qu'à Moussaga, il y a toujours ce mouvement de subversion. Et ça, c'est l'insécurité. Mais insécurité bien organisée par un groupe de gens, mais que c'est à Moussaga, c'est pas à Buhoro, c'est pas à Kayanza. C'est une petite partie du territoire. Et je vous ai évoqué pourquoi cette situation reste toujours telle. Avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pas un kidnapping lié à ce qu'on a vécu depuis 2015. Non, c'est une suite. C'est sous forme d'actes de barbarie qui se commettent juste qui profitent de cette situation actuelle. Mais justement, avant 2015, on ne parlait pas de ce phénomène. C'est un phénomène qui est né avec justement la crise. Justement, je vous dis ceci. Je ne pense pas que ce mot kidnapping vient de naître avec Emmanuel. Non. Je pense que vous le connaissez déjà. Oui, comme le nom existait, c'est que même cet acte de kidnappage existait aussi. Alors, ça existait depuis longtemps, ici comme ailleurs. Monsieur le porte-parole, le kidnapping, parlait de lui aujourd'hui. Il y a un mois, nous avions fait une émission en rapport avec la sécurité et vous avez dit qu'il y a des véhicules qui circulent à la mairie de Bujumbura et à travers le pays. À l'intérieur de ces véhicules, il y a des gens qui enlèvent des personnes. Mais après 3 mois, comment évaluez-vous justement le résultat de l'action de la police? Vous savez, la sécurité, quand elle est là, tout le monde voit. Et ça ne se cache pas. Maintenant, il suffit à vous écouter vous-même. Dans vos actualités, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de cas d'insécurité. Ce qui veut dire que depuis 3 mois, maintenant, nous avons un pays qui est calme par rapport au mois passé. La sécurité, elle a 2 sens. Le premier, c'est le sens traditionnel qui veut dire l'absence des troubles, ce qui est le cas maintenant. On parlait de ce kidnapping et on parlait de 3 mois. Il faisait état justement de ces véhicules qui enlèvent les gens qui circulent à la mairie de Bujumbura. Et je demandais le résultat, parce qu'il faut arrêter ces gens, le résultat de l'action de la police. Oui. À ce moment-là, j'avais dit que les forces de l'ordre étaient à l'œuvre. Et maintenant, le résultat est vraiment palpable. N'était-ce que quelques rares cas d'Ogatumba et d'Ongozi dernièrement. Je dois dire que le kidnapping, Bubanza, Mugamba aussi. Oui. Mais ouais. Ça, c'est peu par rapport à ce qui s'était fait dans les mois passés. La police, les forces de l'ordre ont dû batailler fort. Et ils ont appréhendé beaucoup, beaucoup d'auteurs de ce crime, saisi beaucoup, beaucoup de véhicules fumés et déjà des uniformes des membres des forces de l'ordre qui étaient utilisés par ces criminels. Et nous avons eu l'occasion de communiquer sur chaque cas, pour les cas majeurs. Je me rappelle d'un seul cas majeur que vous avez appelé la presse. Probablement que pour les autres cas, on ne vous avait pas invité. Ou alors, comme vous avez invité, que vous n'étiez pas venu. Je sais quand je vous ai invité que vous n'êtes pas venu. Je dois dire que maintenant, le phénomène de kidnapping est combattu sérieusement. Et que maintenant, les cas de kidnapping ont régressé fort depuis les 3 mois. Oui, honorable, vous parlez des gens enlevés à mandat. Est-ce que vous êtes satisfait par l'action de la police en matière du kidnapping? Non, je ne suis pas satisfait. Parce que de ces véhicules, me comparent, qui n'ont pas de plaque. Il y a même des véhicules de la police, mais... Hier, Agaton Gwassa a dit qu'il y a des véhicules qui circulent à mairie de Bujumbura avec des plaques en provenance de la Tanzanie. Et ça, ou bien ils changent d'immatriculation 5 fois par jour. Hein. Il a parlé de ça. Oui, bien sûr qu'il existe. Mais la police est là, sur toutes les avenues. Mais ces véhicules nous manquent. Et curieusement, la plupart de ces véhicules sont des véhicules de l'État et de la police. On trouverait des véhicules qui ont un seul chiffre ou qui a 2 chiffres. Comme plaque, ou une plaque avant ou une plaque arrière. C'est pas normal. Et la police est toujours là. Évariste Ngaïmenda, est-ce que vous êtes satisfait par l'action de la police justement en matière de kidnapping, d'arrêter ces gens, d'arrêter ces véhicules qui enlèvent les gens? Bon, je voudrais faire une considération toute simple. Aujourd'hui, à travers tout le pays, et de façon particulière dans la capitale, il y a quand même beaucoup de barrages policiers. Ce qui fait que même un véhicule en ordre, il circule très très difficilement. Comment dans ces conditions expliquer que des véhicules immatriculés de façon bizarre, de façon anormale, circulent en pleine journée? C'est-à-dire que quelque part, ils sont couverts. Mais non, qui peut les couvrir? Qui peut les couvrir? Ils ne se couvrent pas, ce n'est pas n'importe qui les couvre. Ils ne peuvent être couverts que par celui qui a la prérogative de les interpeller. Ce sont les agents de l'ordre. S'ils circulent en pleine journée, c'est que donc ils ont dû obtenir des garanties. À quoi maintenant peuvent servir ce genre de véhicule? Pas une simple circulation. Ça veut dire qu'ils sont affectés à d'autres missions qu'on n'ose pas avouer. Parce que sans cela, ils ressembleraient à d'autres véhicules. Est-ce que vous pouvez brosser ces missions? Comment voulez-vous que je les brosse? Je ne les connais pas. Mais de toute façon, ce n'est pas des missions saines. Parce qu'ils ressembleraient à d'autres véhicules. Pourquoi les autres véhicules doivent être immatriculés? Déjà, même les véhicules correctement immatriculés, on les arrête, on les vérifie, on les fouille. Que devrait-il en être pour ces véhicules immatriculés de façon bizarre? S'ils ne sont pas inquiétés, c'est qu'ils sont affectés à des missions connues. Alors, quelles peuvent être ces missions? Pas des missions de bonne augure. Maintenant, ces cas de kidnapping, ils existent, si vous voulez, dans tous les pays. Dans le cas d'espèce, ils prennent quand même une proportion, je dirais, assez inquiétante. Et à mon avis, ils deviennent inquiétants pratiquement dans dans trois situations. C'est lorsqu'ils se multiplient de façon anormale. Et là, ne me demandez pas de donner les chiffres, mais la société voit, la société observe et essaie d'apprécier l'évolution des situations. Deux, lorsque, malgré la perpétration de ce genre de cas, il n'y a pas de suite. Et la suite, il faut la demander à l'administration, il faut la demander à la police, il faut la demander à la justice. Et trois, enfin, la situation la plus inquiétante, ça serait dans le cas où l'un ou l'autre kidnapping serait imputable à un membre des corps de défense et de sécurité. Là, ça serait grave. Et malheureusement, ça arrivait dans ce cas. Monsieur le porte-parole, la police est accusée de protéger les gens ou les véhicules qui circulent à la mairie de Bujumbura avec plaque ou immatriculation douteuse. Non, ce n'est pas vrai. Plutôt, la police s'occupe de ce genre de pratiques dans l'objectif de ne laisser circuler que des véhicules qui sont en ordre. S'il y a l'un ou l'autre policier qui ose laisser un véhicule qui n'est pas en ordre, et il commet une faute professionnelle et pour laquelle il doit être sanctionné. Ça, c'est le principe général. Et deuxièmement, pour le cas de cette immatriculation anormale, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un cas général. Vous-même, vous passez par les différentes rues de la capitale. Donc, vous voyez que c'est très rare qu'on trouve un véhicule qui est anormalement immatriculé. Et la deuxième lumière, c'est qu'il y a des véhicules en provenance de l'étranger. D'abord, dès qu'elles se trouvent des personnes qui ne sont pas de nationalité burundaise, qui sont ici pour plusieurs missions et qui sont venues avec les véhicules, avec les immatriculations dans les pays d'origine. Ceux-là, ce sont des véhicules qui sont en ordre. On les contrôle, on vérifie autre chose, mais on ne peut pas leur dire de mettre l'immatriculation burundaise. Donc il faut nuancer des cas, et les cas, les véritables cas anormaux, cela doivent attirer l'attention des agents qualifiés de l'ordre sur la voie publique. Et si ce n'est pas le cas, ça doit être un comportement fautif de la part de l'un ou l'autre agent qualifié sur la voie publique. Mais on ne saurait pas le dire que c'est vraiment que la police protège des gens qui ne sont pas en ordre avec la loi. À partir de ces révélations du député de l'honorable Agathon Rwasa, qui a parlé de véhicules d'immatriculation douteuse qui circulent pendant 2 à 3 mois, est-ce que c'est normal, selon vous, que ça se fait comme ça? Je pense que la haute personnalité devrait adresser clairement son inquiétude aux organes habilités. Parce qu'à l'entendre, on n'a pas bien compris ce qu'il voulait dire. On ne sait pas quel véhicule il a voulu dire, parce qu'il peut y avoir plus d'un cas. Et donc, on ne sait pas vraiment. Je pense que la haute personnalité devrait préciser, donner beaucoup plus de précision aux organes habilités pour qu'ils puissent s'occuper de cette situation. Mosaïque. Évoluons dans cette émission, justement l'émission Mosaïque. Nous sommes en train de parler de la problématique d'insécurité ou de sécurité à travers tout le pays, à mairie de Bujumbura, ça se parle à Mugamba. Allons un tout petit peu à Moussaga. À Moussaga, qu'est-ce qui se passe, monsieur le porte-parole à Moussaga? Oui, moi, tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec votre introduction de cette émission. C'était comme si la situation était vraiment alarmante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui comparativement aux périodes antérieures. Alors, si mais je des reviens, cas d'insécurité quand même sont... Quelques cas d'insécurité vraiment liés à la criminalité ordinaire. Parce que la criminalité qui était liée au mouvement insurrectionnel a pratiquement cessé. Maintenant, ce qui s'observe, ce sont des comportements peut-être hérités de ce mouvement, mais qui vraiment n'ont rien à voir avec ce mouvement. Face à la criminalité ordinaire, les forces de l'ordre sont au travail, et c'est ça le travail de tous les jours. Ils contrôlent vraiment tout. Et pour le cas de Moussaga, c'est comme Mugamba, la situation sécuritaire est normalisée maintenant. Vous pouvez y aller et vérifier vous-même de vos propres yeux. Vous allez trouver que Moussaga est maintenant tranquille. Et c'est vrai qu'on peut entendre qu'il y a l'un ou l'autre criminel qui a échangé un coup de feu. D'ailleurs, c'est un cas, le dernier cas. avec les forces d'ordre et que quand les forces d'ordre ont répliqué, il est mort. Mais ce n'est pas vraiment une situation généralisée. Oui, quand je parlais de ça, je faisais allusion à la situation humanitaire des gens qui habitent Moussaga. Ça faisait à peu près un mois que des bistrots, des magasins, des boutiques de la 2e avenue Moussaga étaient fermés. Toute l'activité commerciale était fermée. Les gens souffraient justement de faim. Pour le cas de la 2e avenue à Moussaga, c'était une mesure administrative dont les motivations doivent être expliquées ou précisées par l'autorité qui a pris la décision. La police a été appelée à la mettre en pratique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que chaque fois qu'il y a un cas d'insécurité, des mesures doivent être prises pour mettre fin définitivement à ce cas. Et c'est ce qui s'est fait. On peut prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour que la sécurité revienne. Oui, l'honorable Fabien Abantiganino, vous êtes du même avis que le porte-parole de la police. Pas du tout. Moussaga, ça ne va pas. On ne peut pas aller au service à Moussaga pendant toute la semaine. C'est impossible. Si ce n'est pas la 2e avenue, c'est la 3e avenue, c'est dans notre quartier. Je me fais qu'écouter la radio. On ne peut pas faire 2 jours sans entendre que Moussaga est bouclé. Comment voulez-vous dire que la situation à Moussaga est bonne? Pas du tout. Elle n'est pas du tout bonne. On parlait de ces boutiques, de cette activité commerciale ou de la vie des gens qui étaient presque paralysés pendant presque un mois. Justement, c'est un problème. Parce que même des innocents sont pris comme des malfaiteurs. C'est justement le problème. La police devrait sélectionner d'abord des innocents pour qu'ils puissent vivre en paix. Mais pour le moment, ce qui se passe, on prend tout le monde dans un panier. On ne connaît pas les enfants. Il n'y a pas des enfants, des malades, des personnes âgées, des femmes enceintes. Tout le monde est mobilisé et bloqué à toute situation, même pour la petite boutique. Toutefois, comme ce n'est pas la situation normale, ça, ils disent que c'est l'autorité administrative qui a pris la décision. De toute façon, si l'autorité administrative a pris une décision pareille, elle est de connivence avec la police. Ou alors, la police, qui est professionnelle, devrait montrer à cette autorité qu'il y a des innocents qui sont menacés, alors qu'ils devraient vaquer à les activités. Des enfants, Moussaga n'a pas fait l'examen. Des mamans ne vont pas à l'hôpital pour accoucher parce que les routes sont barrées. De toute façon, ils connaissent bien comme moi que ce n'est pas la 2e avenue, c'est la 3e, c'est la 4e, c'est l'autre quartier. Il ne peut pas faire. Si on fera un mois avec la paix à Moussaga, on sera d'accord avec lui. Oui. Si même de 15 jours arriverait, que le Moussaga est calme, on pourra accepter. Et si la police change de comportement pour que les innocents puissent circuler librement, on pourrait croire cette fois-ci à la police et à la sécurité qui revenait de petit à petit. Jacques, vous êtes natif de Moussaga, justement. Comment vous évaluez la situation sécuritaire à... Oui, merci. À Moussaga, c'est vrai que la sécurité vraiment n'est pas totale parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la première zone qui a commencé le mouvement insurrectionnaire. Mais dans l'entretien, la Commission nationale des droits de l'homme a affirmé que ce n'était pas une insurrection, mais que c'était qualifié de manifestation, hein, parce que la population a le droit à manifester. C'est une IDH. Pas de tout ça. S'il y a de tels propos, quel que soit celui qui l'a publié, c'est faux et archi-faux. C'était des manifestations violentes à mobile politique. Des manifestations qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Qu'il y a eu des destructions méchantes des biens d'autrui. Donc, ce n'était pas du tout des manifestations comme d'autres manifestations pacifiques, pas du tout. Si la CNDH a dit cela, vraiment, je pense que ça a été du pur mensonge, c'est pas vrai. Et à Moussaga, alors, vous savez, c'est là où cette résistance contre la candidature du président Nkurunziza a commencé. Et cette résistance a commencé avec violence. Vous le savez, moi, j'ai été, mais mon véhicule a été détruit. Je sais pas ce qu'il a été réprimé violemment. Mais écoutez, non, pas du tout. Pas du tout. Avant, la police n'a pas commencé par la répression. Non, les gens iraient empêcher les manifestants à pouvoir manifester sur la ville de Bujumbura. Et quand les manifestants cherchaient avec énergie à franchir la capitale, bien sûr, et c'est heurté à une résistance de la police. Ça, c'est très clair. Et la police ne pouvait pas faire autrement. Elle ne pouvait pas se laisser faire pour que la présidence soit envahie, la radio soit envahie par les manifestants. Non, ce n'était pas des manifestations civile, c'était des manifestations tout à fait politiciennes qui avaient un but politique. Donc ça c'est un. Deuxièmement, ici, ce que nous avons pu remarquer, c'est que ceux qui font cela à Moussaga, ce ne sont même pas des natifs. Ce sont des gens, souvent on a entendu des anciens militaires en retraite qui ont refusé de regagner leur virage et qui ont préféré de résister contre ce qu'ils disent pouvoir sein de DFDD, en disant qu'ils rentrent sans rien dans la main, ils rentrent injustement, il y a des gens qui le disent. Moi, en tant que politicien, même des anciens militaires qui sont venus me voir, qui ont dit, allez, conseiller le président, vous nous dites pour qui nous chercher ou travailler, sinon rentrer à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ces gens-là, effectivement, n'ont pas eu cette volonté, cette amabilité de regagner le virage. Ils ont cherché à résister dans juste le but de se trouver un emploi. Parce qu'ils disaient que... De chercher la vie. Oui, la vie. Parce que je sais qu'ils sont nourris. Ils sont ravitaillés en ce sens, on leur donne un peu d'argent. Et puis, c'est du travail, autrement dit. Alors, c'est cette logique principale qui fait que la subvention à Moussaga. Et puis, Moussaga, c'est un quartier d'habitation. Hein. Il n'y a pas que des natifs, mais il y a aussi des gens qui louent des maisons là-bas. Mais c'est ce que je vous disais. Il faut distinguer les choses. Les natifs de Moussaga, personne n'a été impliqué dans tous ces barbaries-là qui s'opèrent à Moussaga. Personne. Plutôt, ils sont même intimidés par ceux-là qui viennent et occuper Moussaga par des violences. Vous êtes sûr? Je suis très sûr même. Parce que moi, je suis membre du conseil communal de Moussaga. Et moi, je suis aussi natif de là-bas. Je suis au quotidien. Toutes les activités qui se font là-bas. Et nous rencontrons les gens de Moussaga à travers notre communauté, à des hommes et à des hommes, on nous donne des rapports. Ça, c'est pas des mensonges, vous pouvez le vérifier. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'identifier d'abord ces gens et chercher à savoir pourquoi ils ont choisi Moussaga pour une zone d'insurrection. Pourquoi? C'est ça le problème qu'il y a. Et puis, nous sommes en train de tout faire au niveau des conseils communaux pour voir comment, ensemble, pourrions-nous intervenir, cette fois-ci, pour identifier. Bientôt, on va identifier les gens qui ne sont pas là-bas et qui ne font rien. Et on va aller faire quelque chose, aller dans le droit. Ok. Oui, professeur Évariste Ngaïm Henda, votre évaluation de la situation sécuritaire à Moussaga. Bon, je pense qu'on s'est mis d'accord. Les uns et les autres, donc je n'ai pas y revenir. Je voudrais par contre revenir sur un certain nombre de considérations parce que il y a là de toute évidence le discours de stigmatisation. On dit voilà, on va identifier tous ceux qui ne sont pas de là, qui ne font rien, mais qu'on ne le fasse pas seulement pour Moussaga, qu'on le fasse pour tous les autres quartiers. Toute la capitale. Ah oui, qui est là, qui ne fait rien. Parce que si celui de Moussaga, qui n'est pas natif, qui est là, qui ne fait rien, devient nuisible, devient criminel comme on veut nous le faire admettre. Pourquoi celui dans notre quartier ne le serait pas? Qu'est-ce qui va finalement faire la différence entre celui de Moussaga et celui d'ailleurs? Donc, c'est pour ça que je parle du discours de stigmatisation. Bon, je crois que d'abord, Moussaga n'a pas été le premier quartier. Je crois qu'il y a beaucoup de quartiers qui ont été embarqués dans les manifestations. Bon, maintenant, Moussaga, c'est le mal-aimé. Ça s'associe. Qu'il n'y ait pas de natifs, c'est sûr qu'il n'y a pas de natifs à Moussaga. Ça, c'est sûr. Comme il n'y a pas de natifs dans d'autres quartiers. Je ne crois pas que les natifs dans cette ville soient une importante proportion, comme par ailleurs dans toutes les villes du monde. Surtout pour les villes jeunes et en principe croissance. Donc, qu'il n'y ait pas de natifs ne devrait pas signifier plus que ça. Maintenant, s'il y a des gens qui doivent être poursuivis pour ceci ou cela, que leur arrestation, que leur interpellation respecte la procédure. La procédure est connue. Mais qu'on n'entende pas chaque fois qu'il y a des cadavres dans la rue, qu'il y a des morts, qu'il y a des boutiques défoncées. Bon, on parle, c'est vous qui le dites, des services, des commerces fermés pendant un mois. À peu près un mois. à peu près un mois. Sachant qu'on est dans un quartier où vraiment les gens vivent, je dirais, à la limite de la débrouillardise. Mm-hmm. Je ne connais pas la proportion de ceux qui ont un revenu régulier là-bas sous mm-hmm. forme de salaire. Mm-hmm. C'est quand même un quartier populaire, ce qui veut dire que les gens vivent de l'informel, mm-hmm. vivent des petits métiers. Mm-hmm. Cette seule situation de fermeture de tous les services pendant un mois mm-hmm. est en elle-même génératrice d'insécurité. Mm-hmm. Rien que de ce fait même. C'est générateur d'insécurité. Parce que les gens doivent bien vivre. On ferme votre commerce pendant à peu près un mois. Vous n'avez aucune autre source de revenus. Mm-hmm. Déjà, même quand ce commerce fonctionne, c'est à votre corps défendant que vous pouvez gagner votre pain quotidien. Mm-hmm. De quoi allez-vous vivre? Mm-hmm. Maintenant, je ne sais pas, vous êtes journaliste. Quelle explication a-t-on donné? Parce que ça frise... Pas seulement une simple mesure de sécurité, ça frise la méchanceté. Justement, est-ce qu'une autorité administrative a le droit d'être méchante vis-à-vis mm-hmm. de ses administrés? Peut-être vous êtes journaliste, on vous a donné la explication. C'est une mesure de sécurité. Je suis désolé de plutôt penser que c'est une mesure qui peut générer l'insécurité du fait de la famine qui s'empare des gens. Mm-hmm. Comment est-ce que fermer, empêcher les gens de vaquer la guerre. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on était en train de faire en ce moment-là pour amener la sécurité? Mm-hmm. Supposons qu'on était en train de faire quelque chose. Mm-hmm. Est-il démontré qu'il n'y avait pas lieu de faire la même chose en gardant les commerces mm-hmm. ouverts? Mm-hmm. On condamne les gens à la famine et on s'étonne qu'il y ait des comportements anormaux. Mm-hmm. Finalement, qui est à l'origine de ces comportements. Mm-hmm. Ça me paraît assez anormal. Ça me paraît obéir à une logique, franchement, de nuisance. Bon, je ne dis rien de ces anciens militaires qui ont été voir M. Jacques. Mm-hmm. Je ne sais pas ce qu'il leur a répondu ni ce qu'il a fait pour eux. Mm-hmm. Mais je crois que dans d'autres quartiers, il y a aussi d'anciens militaires. Mm-hmm. Mais encore une fois, apprenons à traiter les dossiers comme la loi le demande, mm-hmm. comme ils doivent l'être. Mm-hmm. Parce que tout le problème dans cette affaire, c'est que tous les dossiers sont gérés politiquement, mm-hmm. sans aucune transparence. Mm-hmm. À voir ce que je vous dis, ce que mon ami Jacques a dit, voilà pourquoi dans certaines circonstances, le niveau de contradiction face à des faits que nous vivons tous, mm-hmm. que nous devrions plus ou moins voir de la même manière, mais le niveau de contradiction est tel que souvent, justement, on en appelle à des investigations indépendantes. Si déjà notre ami Jacques va dire que la CNIDH ne distille que des mensonges, qui est un organisme gouvernemental par excellence, mm-hmm. finalement, qui dit vrai. Oui, Jacques, avant d'accorder la parole au porte-parole de la police nationale, cette situation humanitaire à Moussaka, des boutiques, des bistrots fermés pendant... presque un mois. Ça, c'est pas du tout bon parce que les boutiques n'ont pas commis de bavure, quelle que soit la nature. Mm. Les boutiques sont des lieux là où tout le monde peut s'approvisionner en vivre. Mm. Je pense que fermer les boutiques, ça, ce n'est pas du tout appréciable. Moi et mon parti ne sont pas d'accord. Mmh. Il faut, s'ils sont toujours fermés, il faut qu'on les ouvre. On les a ouverts hier, alors, mais ils venaient de passer presque un mois. Alors ça, je pense que c'est... Il est vrai qu'on ait pris cette mesure pour des raisons de sécurité, mais quand même, on ne peut pas chercher à amener une sécurité physique. Mmh. Oubliez qu'il y a une sécurité alimentaire. Mmh. Donc ça, je pense que ça n'a pas été une meilleure solution. Il fallait aussi nous impliquer, nous en tant que d'abord natifs et élus et locaux, pour qu'on puisse apporter des conseils. Donc je pense que cela ne se répétera plus, parce que si ça se répète, nous serons là pour s'y opposer. Mm-hmm. Sinon, Moussaka, mm-hmm. si ça continue, mm-hmm. si ces gens-là qui ont un objectif de perturber, déstabiliser cette localité, moi je dois vous dire, vous croyez que personne ne va l'accepter. En tout cas, la police ne peut pas être remise à l'air en disant qu'elle a échoué à ramener la sécurité sur le territoire national. Mm-hmm. Pourquoi Moussaka veut être une entité isolée, mm-hmm. une entité qui ne respecte pas la loi qui régit notre pays? Non, Alors toutes les mesures seront prises pour préserver la paix et la sécurité. Et je vous rappelle qu'il est d'Oriprona, je me dis qu'il est d'Oriprona, il sera père dans la période de Boyoya, quand, et pour amener la sécurité dans la province de Bujumbura, et on a dû rassembler, mettre la population dans des zones de rassemblement, de regroupement. C'était décrié par tout le monde, mais il l'a fait pour amener la sécurité dans Bujumbura. Mais alors, aujourd'hui, si on ferme les boutiques pour qu'il y ait la paix, si par exemple des tirs proviennent de ces boutiques-là, alors comment est-ce que vous pouvez conseiller, quel conseil pourriez-vous donner à la police si elle est attaquée à partir de ces boutiques? Il y avait une personne qui avait été bien que je ne suis pas le porte-parole de la police, bien que je ne suis pas le porte-parole de la police et que je n'ai jamais été informé de cette situation, et ce que je pense personnellement, s'il y a des signes d'insécurité ou les choses qui se préparent pour mettre en insécurité une localité, toutes les mesures possibles sont envisageables. Au porte-parole de la police nationale, justement, ça a été une mesure prise par l'administration et la police. Est-ce que la police ne dispose pas justement de moyens de pouvoir chercher ce que vous appelez les criminels sans pouvoir pour autant impliquer toute la population? Toute la population n'a jamais été impliquée, ni à Moussaga, ni ailleurs, depuis avril de l'année passée. Parce que tout le monde connaît combien de personnes sont ici à la mairie de Bujumbura. On sait quelle est la population de Moussaga. C'était combien que, dont les activités avaient été fermées. Oui, parce qu'on connaît la population de Moussaga. C'est la deuxième rue, c'est le... Oui, si c'était la deuxième rue, la troisième, mais la première et les autres rues fonctionnaient normalement. Et dire que les gens sont mortes et que les femmes enceintes ne sont pas allées accoucher. Et que les enfants n'ont pas fait l'examen, je pense que cela n'est connu que par l'honorable ici. Si les enfants n'étaient pas allés à l'école faire les examens, vous auriez fait un reportage. Oui, si les femmes enceintes... Nous avons fait un reportage, justement. Oui. Il y a un jour où le quartier a été bouclé. On vous a dit qu'à l'école, il n'y a pas de mesures qu'on a prises pour qu'ils puissent faire l'examen après. Là, je ne sais pas, mais je parle de ce jour-là. Oui, ça. Je dois vous dire qu'en matière de sécurité, on ne néglige rien. Si on a décidé ce jour-là d'empêcher le mouvement des personnes, c'est qu'il y avait des raisons. Et des raisons valables. On ne sait pas laisser les gens aller à une activité dont on sait qu'elle ne va pas se dérouler normalement. Donc, vous savez... Les membres des forces de l'ordre sont aussi des hommes et des femmes. Ce sont des parents, la plupart d'ailleurs. Je ne pense pas qu'elle est méchante. C'était comme le disait le professeur, qu'on puisse vraiment avoir envers un enfant qui va à l'école, alors qu'on n'est aussi pas. Et si on le fait, c'est pour préserver la sécurité de tout le monde. Vous savez, la préservation de la sécurité exige des sacrifices et on le sait. Nous, depuis avril, on a perdu autour de 77 policiers. Ce sont des sacrifices pour restaurer la sécurité. Et elle a été restaurée. Et ça exige des sacrifices. C'est pourquoi nous demandons plutôt à tout le monde, au lieu de crier parce qu'on a pris une telle mesure, il faut que les gens sachent quel est leur rôle dans la préservation de la sécurité. Je pense que si on vous avait donné les détails de ce cas, vous auriez pu constater que la population de cette rue-là n'a pas joué son rôle. Sinon, on n'aurait pas pris cette mesure. Je ne vais pas donner les détails ici. Mais si la mesure a été prise, c'est qu'elle était nécessaire. Dire qu'il y avait vraiment de la méchanceté, je ne pense pas. Mosaïque. Justement, nous allons vers la fin de cette émission. Nous allons proposer quelques solutions. Jack Ebegrimana, qu'est-ce que vous proposez? Nous avons parlé d'un tas de faits, d'arrestations, un peu d'insécurité. Qu'est-ce qui devrait être fait justement pour que la situation change? Oui, c'est très bien. Tout d'abord, il faut que les politiciens s'accordent pour dire qu'ils ont été malhonnêtes envers le peuple burundais. Parce que toute cette situation que nous vivons aujourd'hui, ce fut le résultat de ces politiciens-là. Ils ont dérapé lorsqu'ils ont appelé les jeunes dans la rue pour résister contre ce qu'ils ont appelé le troisième mandat, ça c'est un deuxième mandat. Ils l'ont fait croyant que cette décision pouvait apporter, bien sûr, des résultats contre-productifs, ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut, c'est que ces mêmes politiciens et les gens de la société civile qui avaient provoqué cette situation se ressaisissent et demandent à la population de déposer les armes pour ce qu'il y en a, parce qu'il y en a ceux qui sont à toujours les armes et pour un même objectif, pour dire que non, il faut pas, Nkurunziza au pouvoir, il ne faut pas aussi cela. Donc, il faut que les politiciens lancent un appel à l'endroit de ces gens-là qu'ils ont mis dans la rue, pour qu'ils arrêtent ce qu'ils font. Ça, c'est un deuxième élément. Il faut qu'on ne parle pas à l'histoire des mandats qui sont au respect de la Constitution. Pas du tout, pas du tout. Par ces gens qui ont appelé les gens à la manifestation. Moi, je vais vous expliquer. Moi, je suis vraiment fidèle à la loi burundaise. Moi, je reconnais et j'accepte vraiment, je suis confiant en la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur le cas, si la Cour de l'Est africaine s'est prononcée sur le cas, alors quelle autre personne en a les prérogatives pour dire ceci n'est pas vrai. Alors, moi, j'en crois beaucoup à ces deux cours dont je vous parle. Alors, c'est pourquoi troisième mandat du président de la République est quasiment légitime. Et puis, il faut que, bien sûr, les politiciens s'accordent pour voir cela au même titre. Sinon, si mon ami Ngaï Menda et son frère Nditije continuent à dire que non, Nkurunziza n'est pas légitime, tout ça, franchement, la situation la perdure. Monsieur le porte-parole de la police, qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'on ne parle plus de ces kidnappings, pour que l'on ne parle plus justement de ces gens qui subissent des conséquences des mesures prises de sécurité? Comme je l'ai dit, la sécurité maintenant, là, dans le pays, et en général, il y a quelques cas de criminalité auxquels font face les forces de l'ordre. Et ils sont vraiment, ils contrôlent vraiment la situation. Et ce qu'on demande, c'est que maintenant, tout le monde vague à ses activités et redouble d'efforts pour qu'on puisse renforcer la sécurité humaine qui, elle, nécessite le concours de tout le monde parce qu'elle concerne pratiquement tous les domaines de la vie d'une personne. La deuxième chose à faire, c'est le respect de la loi par tout le monde. Vous savez, à l'origine de tous ces cas d'insécurité, surtout cette insécurité à motivation politique, c'est dû au non-respect de la loi, comme le disait Jacques. Si on n'est pas d'accord avec quelque chose dans ce pays, la loi dit clairement la procédure, mais elle n'autorise pas les gens à aller brûler les autres vifs dans la rue. Et la procédure, c'est d'aller devant les institutions, les cours et tribunaux, pour qu'ils puissent se trancher. Et il a été suivi. La Cour constitutionnelle a tranché sur la question de la candidature de son Excellence le Président de la République. Et la Cour juge en premier et dernier ressort pour dire qu'après le jugement, la décision devient définitive. Et lorsqu'une décision de justice est définitive, donc revêtue de l'autorité de la chose jugée, eh bien, elle devient une loi. Et tout le monde est obligé de se plier. Qui est déjà qui disent qu'ils ne peuvent pas se plier à une décision définitive de la justice, cela, pour les membres des forces de l'ordre chargés de faire respecter la loi, ne peuvent pas les laisser libre cours. Oui, l'honorable Fabien Mantigani, qu'est-ce qui devrait être fait pour que ces enlèvements, insécurité, qui se parlent Moussaga, Mugamba ou ailleurs, ne se parlent plus? L'insécurité est presque volée dans tout le pays. Croire ou ne pas croire au troisième mandat, de toute façon, le pays est dirigé, du sommet à la base. Ce sont ces gens-là, alors, qui doivent répondre, doivent éduquer la population pour qu'ils soient en ordre. Mais comme la police travaille seule, je peux parier, je n'habite pas Moussaga. Mais quand ces mesures se prennent, je ne crois pas que les chefs de quartier, on entend même des chefs de quartier qui sont battus. Le chef de quartier, le chef de maison, comme on dit, Nyumbakumi, serait-il au courant? Est-ce qu'il a été associé à cette mesure? Alors, lorsque la police travaille seule, il y a toujours des problèmes. Alors, de tous ces gens qui meurent, ce n'est pas seulement de ces gens qui, soi-disant, qui ont des armes. On envoie régulièrement dans des quartiers soi-disant paisibles ce qui se passe à Kamenge. On ne peut pas avoir une semaine sans apprendre à la radio qu'il y a des grenades qui ont été lancées à Kamenge ou à Kinam. Les grands généraux qui sont morts dans des rues, est-ce qu'ils étaient à Moussaga? Alors, le problème est là. La population victime de ces malfaiteurs, la police devrait user de son professionnalisme Ils disent qu'ils travaillent avec en quatre forces. Si ces quatre forces travaillent ensemble, ils auraient vu qu'il y a des améliorations. Mais comme dans ces cas sont régulièrement observés, c'est qu'il y a quelque part des lacunes. Et pour moi d'ailleurs, je ne comprends pas la troisième personne, qu'est-ce qu'il fait. Dans ces quatre forces, ce ne sont que des mots. Effectivement, sur le terrain, on en trouve. La porte-parole est ici. On peut aller là où on veut qu'on aille ensemble. On ne trouvera pas un compte rendu dans un quartier où il y a des cas d'insécurité, où ces quatre forces ont travaillé. Les quatre forces, je crois, c'est la population, c'est l'administration, la police, la justice. Quand ces quatre forces ne travaillent pas ensemble, ça se passe à Moussaga, ça se passe à Mugamba. C'est impossible que les quatre travaillent ensemble alors qu'il y a des politiciens mal intentionnés qui s'interfèrent, qui sont là pour dire à la population ne pas collaborer, ne pas collaborer. Et c'est très bien que les politiciens apportent vraiment de très mauvais conseils à l'endroit de la population. Ah oui. Monsieur Jacques, vous êtes aussi politicien. Est-ce que vous avez été associé à ces ministres de Moussaga? Vous êtes aussi élu de Moussaga? Oui, moi je travaille, juste je travaille, je fais mon travail. Moi, je fais mon devoir en tant qu'élu local. Hein. Alors, quand on parle des politiciens, on voit seulement ceux de l'opposition. Mais c'est de toute façon ceux de politiciens. Alors, moi, j'ai des mal intentionnés. Quand c'était d'ailleurs, ce sont eux qui ont de la chance pour réparer la population. Okay, de toute façon, c'est là appelé à tous les politiciens. Ils disent que lors du jour, qu'on aille ensemble avec ces deux Moussaga, demain, après demain, ils trouveront une solution. Oui, et puis, Avant de vous accorder la parole, même si vous aviez terminé, accordons d'abord la parole au professeur Evariste Ngaïmène. Oui, merci pour la parole. Dans nos pays du tiers-monde, je pense qu'il est très très facile de faire le procès de l'opposant quand on est au pouvoir. Voilà pourquoi mon ami Jacques ici se permet d'attribuer des cotes aux politiciens. Il y en a qui sont bien intentionnés, il y en a qui sont mal intentionnés. D'un côté des anges, d'un autre côté des diables. Monsieur Jacques, je ne crois pas que tu aies plus raison que moi. Je ne crois pas que tu sois un politicien mieux intentionné que moi. Seulement, il se trouve que présentement, nous défendons. C'est moi qui parle de Ngaïmène et de Jacques. Moi, je n'ai pas dit Ngaïmène. Quand tu parles de Ngaïmène, de litiger, c'est qui finalement? Sauf si tu parles d'un autre Ngaïmène. Ok, laisse-moi. Je ne vous ai pas mis parmi les politiciens. C'est mauvais. Je suis bien intentionné. Je ne sais pas. Ok. Tu vas le prouver. Laisse-moi continuer alors. Je connais les conditions dans lesquelles la Cour constitutionnelle a délibéré. Ce n'est pas qu'on est opposé à la loi. Ce n'est pas qu'on est opposé à l'institution judiciaire. Loin de là. Mais je le répète, je connais les conditions dans lesquelles cette cour a délibéré. Je sais que vous les connaissez aussi. Seulement, ça ne vous arrange pas de les répéter. Je connais le contenu des rapports des procureurs généraux des États de la communauté de l'Afrique de l'Est et des ministres. On n'est pas là pour le commenter. Voilà pourquoi il y en a qui continuent à dire que le troisième mandat n'est ni légal ni légitime. Par contre, vous le trouvez illégal et légitime. Et c'est précisément cela le contentieux burundais. Ne m'amenez donc pas, ne me jugez pas de malhonnête, ne me jugez pas de dérapeur. Non, il y a un problème politique aujourd'hui. Et le problème politique, il est posé dans les termes où il est. Laissons le temps au temps. Quand vous voyez le nombre de missions étrangères qui se succèdent ici, quand vous voyez le nombre de rapports qui sur le Burundi qui sont édités, quand déjà vous regardez le nombre de sommets qui ont été organisés sur la crise burundaise, les autorités qui se succèdent ici, acceptons quand même qu'il y a un problème ici. Et ce n'est pas, et ça ne devrait, attendez. Qu'il y a génocide en préparation. Laisse-moi terminer. C'est que ce génocide existe. On cheminait justement vers la fin. Quand les gens disent qu'il y a un génocide en préparation. Laisse-moi terminer. Qu'il y a des forces communes. Jacques, je t'ai laissé parler, tu me laisses parler. Jacques, la parole est accordée au professeur et professeur. Ce n'est pas seulement au Burundi qu'il y a des problèmes. Ce qui serait malheureux, ça serait que les Burundais n'aient pas la volonté ni les ressorts pour les résoudre. Encore que la communauté internationale pourrait être bien disposée à les y aider. La Libye sécuritaire. Je crois que, si j'ai bonne mémoire, Les manifestations sont terminées depuis le mois d'août ou septembre, je peux me tromper, 2015. Mais je constate qu'on continue à les prendre pour prétexte. À les prendre pour prétexte pour réprimer qui on veut, où on veut, quand on veut et parfois de la manière que l'on veut. C'est ça que j'appelle vraiment la Libye sécuritaire. Tout cela soulève une question fondamentale. C'est la question de la responsabilité de l'acteur public. Quand je parle de l'acteur public, je parle du juge, je parle du cadre d'administration. Je parle des corps de défense et de sécurité. Ces corps sont à trois. Il y a la police, il y a l'armée, il y a le service national du renseignement. La Constitution précise très bien les missions et les règles de leur fonctionnement. Est-ce que les règles de fonctionnement sont respectées? Je ne connais même pas quel texte organise les missions du service national de renseignement. Et aussi longtemps que l'autorité ne sera pas comptable des actes qu'il va poser, eh bien, attendez-vous toujours à ce qu'il y ait de l'arbitraire. Malheureusement. Aujourd'hui, il y a des victimes de la... C'est dynamique, vous savez. Demain, il pourrait y avoir d'autres victimes de la... Et nul ne peut être content d'être victime de quelque arbitraire d'où qu'il vienne. En terminant, je voudrais encore une fois revenir sur cette histoire de fermeture de boutique. Mes chers amis, vous ne pouvez pas me convaincre que ceux qui tiraient seulement à partir des boutiques. Pourquoi on isole les boutiques? On isole les boutiques parce que ce sont justement ces boutiques qui permettent aux gens de vivre. Comment peux-tu m'expliquer, Jacques, tu serais propriétaire d'une boutique là-bas, tu n'accepterais pas qu'on vienne tirer à partir de ta boutique. Et tu ne peux pas me dire par quel extraordinaire ils ont uniquement ciblé les boutiques et ils n'ont pas ciblé les ménages. Quand même, tout de même, on est intelligent à croire à ce genre de... Pas seulement utiliser les boutiques pour demander qui vient pas, qui vraiment ne tient pas la route. La dernière intervention au porte-parole de la police nationale. Madame, un petit mot à donner. Ici, le professeur parle beaucoup du respect de la loi. Et vraiment, tout le monde respecte la loi. Mais je voudrais demander au professeur, nous avons vu, nous avons assisté le 13 mai 2015 à un coup d'État, avant la fin du mandat, avant la fin du mandat constitutionnel du président de la République. Alors, ce coup d'État qui était soutenu par l'opposition dans son ensemble, y compris, je pense, est-ce que ce coup d'État était en rapport avec quel... Monsieur Jacques, tu as un naturel qui ne te quitte pas. Monsieur le porte-parole, tu tombes exactement dans le travers que je viens de dire. Vers la fin de l'émission, on est vers la fin de l'émission. Du perchoir du pouvoir, c'est très facile de faire le procès à l'opposition. Ceux qui ont tenté de faire le coup d'État, ils ont été arrêtés. Et ils y sont jugés. Est-ce que vous les avez vraiment condamnés? Quoi? Vous les avez condamnés au moins pour avoir cherché à renverser les institutions démocratiquement élues. Moi, je n'ai jamais entendu de vous condamnant ces actes ignobles. Jacques, tu n'es pas plus citoyen. Nous allons en dehors de notre sujet, justement. Tu nous condamnes parce que je condamne, je ne condamne pas ce que tu condamnes. Je n'étais même pas là. Je ne peux donc pas être condamné. Ce qui a été fait ce jour-là était vraiment pour toi, Roger. Je refuse cet amalgame. Il y a une tentative de coup d'État. Les auteurs ont été jugés. Ceux qui ont été appréhendés l'ont été. Il y en a probablement qui n'ont pas été encore appréhendés. Je ne vois pas pourquoi je continue à en être responsable. Clôturons cette émission. Monsieur le porte-parole, vous avez ajouté. Oui, je voudrais revenir sur trois choses. La première, c'est les révélations de l'honorable ici, sur le cas de Guy Fougue. Je pense que ça ne figure pas dans le rapport du ministère de la Sécurité publique. Si ces révélations sont vraies, je pense que les institutions habilitées qui nous entendent doivent se mettre à l'œuvre pour pouvoir faire respecter la loi. Deuxièmement, je voulais revenir sur la Libye sécuritaire dont parlait le professeur. Moi, plutôt, j'appelle la Libye sécuritaire ce qu'ils viennent de dire, y compris votre introduction et probablement votre qui présente vraiment la situation sécuritaire alarmante. Nous avons parlé des cas d'insécurité à Bujumbura, à Moussaga, à Mugamba. Nous n'avons pas dit que la sécurité est généralement pire. Au moins, vous merci. Dernièrement, je reviens sur ce qu'a dit l'honorable sur la collaboration de la population des quatre forces, donc l'administration, la population, les forces de l'ordre et la justice. Il y a un cadre de collaboration, ce sont les comités mixtes de sécurité. Malheureusement, il y en a qui n'intègrent. Et je pense qu'il est politique, il doit aussi conseiller aux gens, à tout le monde d'intégrer ces comités mixtes de sécurité. Comme ça, toute situation sécuritaire sera connue à travers ces comités mixtes de sécurité. Et des mesures préventives et réactionnelles vont être prises à travers ces comités mixtes de sécurité. Bon, ça, c'est le cadre de collaboration de ces quatre forces. Merci beaucoup, je remercie Jacques Guilimana, président du FNL, et merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci, madame. Nous remercions également le porte-parole de la police nationale. Merci d'avoir accepté encore une fois à participer à cette émission. Merci, madame. Merci aussi de m'avoir invité pour donner la lumière. Et merci également à l'honorable Fabien Mantiganino. Je rappelle que vous êtes élu dans la circonscription de Bubanza. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci au professeur Evariste Ngaïmena d'avoir accepté justement de venir dans cette émission. Je vous remercie également. Marie-Ange Zeman a été avec vous au micro. Merci également à tous les auditeurs. À bientôt. Mosaïque.